Qu'est-ce qui m'a pris d'avoir gâché ma vie en attendant de t'avoir tout à moi? Qu'est-ce qui m'a pris de faire toutes ces folies pour une fille aussi futile que toi? Tu peux rire et être fier de toi. Tu peux rire, mais prends bien garde à toi. Mais il me reste une consolation de savoir que demain l'autre garçon sera épris de ta jolie frimousse, mais que pour toi ce sera un de plus. Je veux rire pour celui qui un jour sera bien de mater à ton. Quelqu'un vient de te maîtriser. Je peux rire.